La croisière folle. Non-stop music. It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Try as I may, I could never explain what I hear when you don't say a thing. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you never leave me. The touch of your hand says you'll catch me if ever I fall. Say it best when you say nothing at all. All day long I can hear people talking out loud. But when drown out the crowd. Oh, Mr. Webster could never define what's being said between your heart and mine. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying possible, amour indicible. l'avenir est sans espoir pour les amants de Babylone. Avec des si quelque part, on aurait pu croire à cette histoire d'amour impossible, amour indicible. La croisière folle. Good vibrations. À la fenêtre, vous entendrez parler de vous. La belle a mis le pied à terre, tout doucement s'en est allée. D'une main, elle ouvre la porte, entre galant, puis vous m'aimez. Mais la belle s'est endormie entre les bras de son amant. Et celui-ci qui la regarde en lui voyant ses yeux mourants. Oh, que Dieu bénisse le père et la mère qui l'ont nourri. C'est la plus charmante des filles que jamais mes yeux ont pu voir. Que les étoiles sont brillantes et le soleil éclatant. Mais les beaux yeux de ma maîtresse en sont encore les plus charmants. Je ne dors pas lorsque je veille, toute la nuit je pense à vous. Toute la nuit, mon cœur sommeille, ma belle amie, marions-nous. Il faudra le dire à mon père, à ma mère, à tous mes parents. Et il faudra le dire à mon père, savoir s'il en sera content. Beau paysan, donne-moi ta fille, donne-la-moi en te priant. Beau paysan, donne-moi ta fille, tu me rendras le cœur content. Je ne peux pas te donner ma fille, elle n'a pas passé 15 ans. Je ne peux pas te donner ma fille, faites l'amour en attendant. Inside. even want to die for the one I love has gone. And the press is down, the boss ain't here, he gone north for a while. Say that vanity got the best of him, but he sure left here in style. By the way, that's a cute hat, and it smiles so hard to resist. But what's a sweetheart like you doing in a dump like this? You know, I once knew a woman who looked like you. She wanted a whole man, not just a half. She used to call me sweet daddy when I was only a child. You kind of remind me of her when you laugh. In order to deal in this game, got to make the queen disappear. It's done with a flick of the wrist. What's a sweetheart like you doing in a dump like this? You know a woman like you should be at home. That's where you belong, taking care of somebody nice who don't know how to do you wrong. Just how much abuse will you be able to take? Well, there's no way to tell by that first kiss. What's a sweetheart like you doing in a dump like this? You can make a name for yourself. You can hear them tires squeal. You could be known as the most beautiful woman who ever crawled across cut glass to make a deal. You know news of you has come down the line even before you came in the door. They say in your father's house there's many mansions, each one of them got a fireproof floor. Snap out of it, baby, people are jealous of you. They smile to your face, but behind your back they hiss. What's a sweetheart like you doing in a dump like this? Got to be an important person to be in here, honey. Got to have done some evil deed. Got to have your own helm when you come in the door. Got to play your harp until your lips bleed. They say that patriotism is the last refuge to which a scoundrel clings. Steal a little and they throw you in jail. Steal a lot and they make you king. There's only one step down from here, baby. It's called the land of permanent bliss. What's a sweetheart like you doing in a dump like this? Je voudrais que tu step away from me, and this she did say, it will not be long, love, till our wedding day. She stepped away from me, and she moved through the fair, and fondly I watched her move here and move there. She went away homeward with one star awake, as the swans in the evening move over the lake. The people were saying, no, to where we're, but one has a sorrow that never was said, and she smiled as she passed me with a good scent again, and that was the last that I saw of my dear. I dreamt it last night that my true love came in. So softly she entered, her feet made no din. She came close beside me, and this she did say, it will not be long, maman, je pense que t'as toujours su que j'étais différente. C'est pour ça que tu me gardais proche. Ah, tu me gardais proche. Dis-moi, le sentais-tu quand j'habitais ton ventre, qu'il y a quelque chose qui cloche, quelque chose qui cloche. Depuis longtemps, j'ai compris, je comprends suis. J'ai plus le goût de le cacher, cacher la vérité. J'ai juste le goût d'aimer, yeah, yeah, yeah. J'évite les pronoms. Je sais aimer les filles comme j'aime les garçons. Je suis une experte en allusions du genre. Et tu te spécialises en déni, tout en évitant le regard du monstre en dessous de mon. maman, je pense que t'as toujours su que j'étais différente. I wish in vain, I wish I was a maid again, but a maid again I can never be, until apples grow on an ivy tree. For love is pleasing and love is teasing, and love is a treasure when first it's new. But as love grows older, then love grows colder, and it fades away like the morning dew. And there my love, he sits and dies. He takes a strange girl on his knee, and he tells her things that he wants. Love and daughter make a young girl older, and love and whiskey make her old and gray. And what cannot be killed, love, must be endured, love. And now I am bound for America. You will love me in golden sand and crystal brook. If you will love me in silken lion and silver hook. If you will stay, I will be your month of May. I will love you too. I already do. If you will love me, southern wind and soaring wing. If you will love me, the ancient songs the mountains sing. If you will stay, I will be your summer day. And I will love you too. I already do. If you will love me, now come the autumn rains. If you will love me, I will bring the harvest in. If you will stay on a cold October day, I will love you too. If you will love me when there's cold winds from the north. If you will love me when I need a home and hearth. If you will stay when nights are longer than the days. I will love you too. I already do. La croisière folk. Don't worry, be happy. J'aime quand tu me lances des mots étranges et que tu me serres pour que tout s'arrange. Tu déranges le cours des choses et que plus rien ne nous oppose. J'aime tous les jours refaire le monde et puis jouer à la minute blonde. J'aime poser comme la tout le monde. Tiens-toi à moi, oh mon amour. Tiens-toi au mât, oh mon amour. Tiens-toi à moi, oh mon amour. Tiens-toi au mât, oh mon amour. Tiens-toi à moi, oh mon amour. raison d'amour, voilà un mois ou cinq semaines. Son père, il la cherche partout. Son cher amant, il est en peine. Il faut aller voir le berger, s'il avait qu'il nous renseigne. Berger, berger, n'as-tu point vu ici passer un beau témoin? Oui, je l'ai vu dans ce vallon, assis auprès d'une fontaine. Dans sa main tenait un oiseau, à qui la belle comptait ses peines. Quand il est auprès d'un rosier, sans pouvoir cueillir la rose. Sans pouvoir voir l'eau qui coule. Buvez, buvez, la belle bébé, car c'est pour vous que cette eau coule. Faut-il être auprès d'un amant sans pouvoir lui compter ses peines? Trop plein d'égo. Oh, oh, oh. qui manque de mots pour composer de véritables chansons d'amour. Toi, tu n'es pas un rêve formaté, mais une poésie sans détour, sans beau discours. Je t'ai aimé, tu ne m'as pas aimé. Je t'ai regardé, tu ne m'as même pas vu. Je t'ai parlé, tu ne m'as pas répondu. Je t'ai rêvé, tu n'y as pas songé. All the weak man's a wall, and all the weak abide your lane. All the time you're waiting for the minute that he's coming down. You know it, what he has to work. You know the hours he has to keep. And yet it makes you angry when you see him just come home to sleep. Through the months and through the years, while you're bringing up the bear, your man's a watcher here and there, a following the shows of herring. And when he's back there's nets to mend, he may be got a score or twa. And when you're done, he'll rise and say, wife, it's time your faith on herring sails. And oft times lie awake at night in fear and dread of winter gales. But men must work to earn their bread, and men must sweat to gain their fee. And fishermen will hike and out as long as fish swim in the sea. All the weak man's a wall, and all the weak abide your lane. All the time you're waiting for the minute that he's coming home. En train de Paris et Lyon, tout le long de moi, joli mois de mai. Dernier et cordonnier, tout le monde le voit, joli mois de n'est à moi que je sache. Je m'appartiens à certains jours, quand nul ni rien ne m'attache. Je voudrais te laisser couler sans jamais faire de barrage, sans t'empêcher de traverser tout le beau pays de ton âge. Comment puis-je te dire, mon amour, l'oiseau qui vole est-il volage? Quelle est sa route et vers quel jour, vers quel nid court-il, vers quelle cage? J'ai l'espérance de libérance, d'aurore, de corps, de cœur et d'âme. J'ai souhaitance d'envolance au travers de l'air diaphane. Comment puis-je te dire, mon amour, comment frôler ta transparence et te lire comme en plein jour à la lueur de l'innocence? Comment savoir ce qui est bien pour toi, pour moi, pour tout le monde? Comment faire pour que nos liens ne deviennent nœuds à la longue? Comment puis-je te dire, mon amour, sans être parfois questionneuse? Pourquoi ceci, pourquoi cela? Qui était cette voyageuse? Je voudrais te laisser le droit de marcher tes secrètes routes, à l'abri de tous mes pourquoi, sans faire peser sur toi mes doutes. Comment puis-je te dire, mon amour, sans jeter cette passerelle entre toi et moi tous les jours, qu'il pleuve, qu'il vente ou bien qu'il grêle? Je voudrais juste être à l'écoute des paroles que tu ne dis pas, pour garder fort, coûte que coûte, tout en fleurs, le désir de toi. Comment puis-je te dire, mon amour, personne n'est à moi que je sache. Je m'appartiens à certains jours, quand nul ni rien ne m'attache. La croisière folle. To boldly go where no one has gone before. Crée-moi, crée-moi, quelque part en Alaska. Y'a un phoque qui s'ennuie en maudit. Sa blonde est partie gagner sa vie dans un cirque aux États-Unis. Le phoque est tout seul, il regarde le soleil qui descend doucement sur le glacier. Il pense aux États en pleurant tout bas. C'est comme ça quand ta blonde t'a lâché. Ça vaut pas la peine de laisser ce qu'on aime pour aller faire tourner des ballons sur son nez. Ça fait rire les enfants, ça dure jamais. Ça fait plus rire personne quand les enfants sont grands. Quand le phoque s'ennuie, il regarde son poêle qui brille comme les rues de New York après la pluie. Rêve à Chicago, à Marilyn Monroe. Il voudrait voir sa blonde faire un show. Thank you. histoire, je peux pas m'en faire à croire. Mais des fois, j'ai l'impression que c'est moi qui est assis sur la glace, les deux mains dans la face. Mon amour est parti, puis je m'ennuie. Laisser ce qu'on aime pour aller faire tourner des ballons sur son nez. Ça fait rire les enfants, ça dure jamais longtemps, ça fait plus rire personne quand les enfants sont grands. Ce qu'on aime pour aller faire tourner des ballons sur son nez. And I'll be ready. Call my name. So happy I'll be. On the way to heaven. I hear the angels sweetly say, oh, the boat of love down at the harbor. It's waiting there. For you and me. I have no fear. Christ is the captain. He got a sword, lost rolling sea. Let's get on board that great excursion, and sail the sea to the home above. Don't wait too late. Make your reservation. It's the boat of God's eternal love. Down at the harbor. It's waiting there. For you and me. I have no fear. Christ is the captain. You got a sword. Life's rolling sea. It's heading for that golden shore. Don't wait too late. Make your reservation. Heaven is my home forevermore. Oh, the boat of love down at the harbor. It's waiting there for you and me. I have no fear. Christ is the captain. You got a sword, life's rolling sea. Oh, the boat of love, down at the harbor. It's waiting there for you and me. I have no fear. Christ is the captain. You got a soul, life's rolling sea. Life's rolling sea. Un, et deux, et un, deux, trois, quatre. C'était un bien beau tandem, comme on n'en fait plus de pareil. Un tandem avec deux M, comme quand on s'aime. Quand je pétalais devant, elle m'encourageait derrière. Quand c'était mon tour derrière, j'en faisais autant. Et nous roulions fiers en ville ou le long de la mer, dans la pluie, la neige, le vent et quelquefois le beau temps. Et nous roulions fiers, la vie nous semblait légère, en prenant tout l'air du temps et en chantant. Été, printemps, hiver, automne, y a pas de saison monotone. Quand on suit la même route en même temps. Automne, été, printemps, hiver, y a pas de saison éphémère. Quand on s'aime comme nous on s'aime, c'est pour longtemps. Mais le plus beau des tandems un jour a cassé sa chaîne, quand un type en Volkswagen lui dit je t'emmène. Quand je les ai vus mettre les voiles, moi j'ai perdu les pédales. Quand j'ai vu partir l'auto, j'ai dit salaud. Et depuis je roule solitaire en ville ou le long de la mer, dans la pluie, la neige, le vent et quelquefois le beau temps. Et je roule solitaire dans cette vie de misère, en regrettant l'air du temps et en pleurant. Été, printemps, hiver, automne, y a pas de saison monotone. Quand on suit la même route en même temps. Automne, été, printemps, hiver, y a pas de saison éphémère. Quand on s'aime comme nous on s'aime, c'est pour longtemps. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ik hou van alle vrouwen, mijn hart is veel te groot. Mijn hart is veel te groot. Daar ben ik mee geboren, daar ga ik ook mee dood. Daar ga ik ook mee dood. Ik hou van alle vrouwen, dat is een groot verdriet. Ja, dat is een groot verdriet. Met één kan ik maar trouwen en daarom trouw ik niet. En daarom trouw ik niet. Ik hou van alle ogen, ik kijk er geren in. Ik kijk er geren in. Hoe meer ik word bedrogen, hoe meer ik ze bemin. Hoe meer ik ze bemin. Ik hou van heel het leven om mijn vrouw. Het leven om mijn vrouw. Om ieder wat te geven, ben ik ze alle trouw. Ben ik ze alle trouw. Ik hou van alle vrouwen, mijn hart is veel te groot. Mijn hart is veel te groot. Daar ben ik mee geboren, daar ga ik ook mee dood. Daar ga ik ook mee dood. Thank you. careless love. Love, oh love, careless love. Love, oh, careless love. I love someone that don't love me. Well, once I wore my apron long. Once I wore my apron long. Once I wore my apron long. Then my good gal had to go. Oh, love, careless love. Love, oh, love, careless love. Love, oh, careless love. I love someone but don't love me. I love my mama, papa, too. I love my mama, papa, too. I love my mama, love my papa, too. I'd leave them both to go with you. I cried last night, night before. I cried last night and night before. I cried last night and night before. I'll cry at night and cry no more. Oh love, careless love. Love, oh love, careless love. Love, oh, careless love. I love someone that don't love me. I love someone that don't love me. La croisière folk. To infinity and beyond. The summertime is coming, and the trees are sweetly blooming, and the wild mountain pine grows around the blooming heather. Will you go, lassie? Blue. pas pour moi. Tout c'est toujours, c'est pas net. Ça joue des tours, ça s'approche sans se montrer comme un traître de velours. Ça me blesse ou me lasse selon les jours. L'amour, ça ne vaut rien. Ça m'inquiète de tout et ça se déguise en doux. Quand ça gronde, quand ça me mord, alors oui, c'est pire que tout, car j'en veux plus encore. Pourquoi faire ce tas de plaisirs, de frissons, de caresses, de pauvres promesses? À quoi bon se laisser reprendre le cœur en chemin, ne rien y comprendre? C'est une embuscade. L'amour, ça me va pas. C'est pas du Saint-Laurent, ça ne tombe pas parfaitement. Si je ne trouve pas mon style, ce n'est pas faute d'essayer. Et l'amour, je laisse tomber. De frissons, de caresses, de pauvres promesses. Pourquoi faire se laisser reprendre le cœur en chamade, ne rien y comprendre? C'est une embuscade. L'amour, j'en veux pas. Je préfère les temps en temps, je préfère le goût du vent, le goût étrange et doux de la peau de mes amants. Mais l'amour, pas vraiment. C'est une super soirée pour nous autres. J'espère que c'était de même pour vous autres, hein? On va terminer sans beauté. Le Vazenas, ça fait quoi, 5-6 ans que ça existe? Sur le premier album, la première version du Vazenas, c'était Nicolas Boulris, Sylvie Demers, Benoît Bourque et Bernard Simard, qui va venir vous chanter une chanson. Accueillez chaleureusement, mesdames et messieurs, Bernard Simard. Par un dimanche au soir, vive l'amour. Par un dimanche au soir, vive l'amour. En allant veiller, vivons-le, vivons-le. En allant veiller, vivons-le la liberté. En allant veiller, vivons-le la liberté. Dans mon chemin, je rencontre, vive l'amour. Dans mon chemin, je rencontre, vive l'amour. Une rare beauté, vivons-le, vivons-le. Une rare beauté, vivons-le la liberté. Une rare beauté, vivons-le la liberté. Par sa main blanche, vive l'amour. Déprise par sa main blanche, vive l'amour. Au bois je l'ai emmené, vivons-le, vivons-le. Au bois je l'ai emmené, vivons-le la liberté. Au bois je l'ai emmené, vivons-le la liberté. Quand elle fut dans ses bras, vive. vive l'amour. Quand elle fut dans ses mots, vive l'amour. Elle se mit à pleurer, vivons-le, vivons-le. Elle se mit à pleurer, vivons-le, et petit café. Elle s'est mise à pleurer, vivons dans la liberté. Dans la belle, vive l'amour. Avez-vous dans la belle, vive l'amour. Que vous nous attendez, vivons-le, vivons-le. Que vous attendez, vivons-le, la liberté. Que vous attendez, vivons-le, la liberté. Je pleure que tu es bête, vive l'amour. Je pleure que tu es bête, vive l'amour. Oh, bête, vous m'embrassez, vivons-le, vivons-le. Vivons-le la liberté. Trop bête pour m'embrasser. Vivons-le la liberté. Tenez-vous droit et ne vous laissez pas tomber. La croisière folk. En route, vers de nouvelles aventures. Moi j'aime la croisière folk. À votre droite, la statue de la liberté, la tour Eiffel et Big Ben. À votre gauche, l'Atomium, la cathédrale de Cologne et la gare de Perpignan. En face de vous, les chalets suisses, la place rouge, la tour penchée de Pise. Un peu plus loin, le métro de Tokyo et la grande muraille du Chine. Derrière vous, la Vénus de Milo et les jardins suspendus de Babylone. La croisière folk. Vous avez demandé la musique, ne quittez pas. C'est absolument génial et fantasmagorique. My love is like a red, red rose. It's newly sprung in June. My heart is like a melody that sweetly plays its tune. This fair art thou, my bonnie lad, so deep in love am I, and I will love thee still, my dear, till all the seas gang dry. Till all the seas gang dry, my dear, and the rocks melt with the sun, and I shall love thee still, my dear, though the sands of life shall run. But fare thee well, my only love, and fare thee well. Been